Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi, tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Ils sont pressés, ils prennent des trains ou des taxis, ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là, j'attends.